Méthode de lecture de CP, Gaffi le fantôme, Pauline. Le robot va à Paris. Pascal la géniale a fait un robot. Il parle, il rit. Le robot va dans la rue. Stop, où pars-tu ? Dit le Pascal. Moi partir à Paris, dit le robot. Pascal lui dit, tu es trop petit, moi partir avec Gaffi, dit le robot. Ah, c'est bien, alors, va à Paris, c'est par là.